passe à la période de questions, suivie de la période de réponses. Je suis totalement assujetti à de l'amour inintelligent. Je trouve cela stupide et souffrant du point de vue de mon ego. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'intelligentiation pour ne plus être sous ce joug ou du moins ne plus me faire manipuler par cet amour? Ben, y en a un autre, mais il est pire. Celui d'arriver à l'écœurement de l'écœurement. Sauf qu'il y a des mécaniques que l'on ne sait pas qui régissent les lois de l'amour humain, de l'amour conditionnel, donc de l'amour inintelligent, de l'amour émotif. Et ce sont des lois alimentaires. Donc, des lois alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a le corps astral qui doit s'alimenter et sa façon de s'alimenter procède normalement par ce qu'on appelle l'amour. Alors, on dira, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, effectivement, oui. Et quand on trouve un supermarché astral, donc énergie, émotive, qui peut nous alimenter, on préfère garantir l'alimentation. L'astral est la partie dans l'humain qui probablement souffre le plus. Et nécessairement, ce sera donc la partie la plus craintive, la plus peureuse et la plus capable de rejet. Alors, on aura les meurtres passionnels, on aura aimé, on aura la haine qui pourra aller avec si on n'a pas réussi à contrôler ce qu'on disait aimer. La preuve de l'alimentation astrale, c'est que si la personne que vous aimez se change, elle se met les cheveux de notre couleur ou des choses comme ça, on peut parler de bleu, mauve, etc., des couleurs fluo, quoi, à la mode, eh bien, on ne l'aime plus autant. Et on lui dira, oui, mais écoute, bon, on fera tout pour la ramener dans la mémoire. Encore faut-il avoir des cheveux? Ah, évidemment, mais il y en a qui vont se teindre de cuir chevelu. Il y en a qui se mettent des perruques aussi, ma soeur. Et quand on parle donc d'amour, il y a des raisons. On pourrait expliquer longtemps, il y a beaucoup de questions, et surtout que le mois d'août est uniquement bâti sur ce genre de questions, sur les raisons occultes de l'amour, donc les mécanismes ésotériques, et par la suite, justement, comment transcender progressivement l'amour que l'on connaît, qui souvent fait souffrir. Hein, c'est des souffrances d'amour, c'est ses premières souffrances d'amour, c'est normal, ça fait partie encore des dictons populaires. Puis comme je le dis souvent, on écoute les chansons d'amour, bien 99% c'est des chansons où on se plaint. Donc, on a une idée, une expression et un vécu de l'amour qu'on appelle amour parce que ça part de l'amour qui est sentimentique et c'est pas long que ça descend à l'amour conditionnel qui est émotif. Alors, on va donc pouvoir répondre beaucoup plus dans les prochaines conférences, en l'occurrence au niveau des raisons ésotériques de l'amour et aussi comment parvenir à s'alimenter, donc aller chercher de l'énergie avec l'amour, comment ne plus en perdre, ce qui fait que progressivement, on aura plus d'informations pour l'ego, pour que lui accepte que le mental puisse parvenir à une libération de ses besoins, de ce mélange. Dans l'amour, souvent, à l'amour humain, on va mélanger la relation télépathique, la relation énergiopathique, la relation d'intelligence-intelligence. On va mélanger la relation d'alimentation mentale, énergisation du mental, d'alimentation astrale, énergisation du corps astral, d'alimentation vitale, énergisation du corps vital, avec... tout mélanger ça. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire que je tombe en amour avec un individu que je trouve intelligent ou intelligente, sinon, en bas de ça, je ne suis pas capable. Mais là, c'est une relation énergiopathique. Je tombe en amour avec un individu qui me nourrit vitalement ou qui me nourrit astralement. Et on mélange toute l'affaire au complet. Ça fait un espèce de mélange qui va faire en sorte que l'ego va venir se mêler des raisons du corps vital, des raisons du corps mental, que le mental va vouloir venir raisonner l'ego, raisonner l'amour astral. Et tout ça, ça fait qu'on arrive avec un amour extrêmement souffrant, extrêmement problématique. Quand je dis, par exemple, que l'ego se mêle du corps physique, on prend l'exemple. À un moment donné, mon ego a faim. Il a faim de certaines stimulations, donc de sécrétions endocriniennes. Alors, il voudra me forcer à manger des choses, ou à boire, ou à consommer de la drogue. Et c'est au détriment du corps physique. L'ego se mêle du corps physique. Normalement, l'alimentation nourrit le corps vital et le corps physique, pas l'ego. Et etc., etc. Alors, on va surtout revenir là-dessus des prochains mois, ce qui fait que, là, déjà répondre comme ça, là, ça prendrait plusieurs heures. L'homme a un rôle dans la création, bloquer l'évolution expansive de l'univers. Pourquoi, du point de vue de l'homme, ce rôle lui échappe complètement? Pour la simple raison que pour connaître ce rôle, il faut avoir une conscience cosmique, une conscience minimum galactique qui par la suite universelle, supra-universelle et cosmique. Ça n'échappe pas totalement à l'homme, parce que l'homme a de l'intuition. Il y a une intuition qui est typiquement planétaire, astrale, et une intuition qui est supramentale, qui provient donc de son esprit, de l'intelligence, du grand monarque. Dans les théologies, toutes les religions vont annoncer les mêmes choses. Dans l'ésotérisme humain, on parlera aussi de la même chose. On dira retourner vers Dieu, on dira retourner vers le Créateur, on dira retourner vers le centre source, on dira de toute façon retourner vers, revenir. Dans certaines étymologies, on parlera de chute. En ésotérisme, on parlera plutôt de densification, de terrestrification, donc de matérialisation. On parlera dans d'autres formes d'ésotérisme d'involution, mais pas d'une involution coupable. Donc, on ne parlera pas de déchéance. Alors que dans certaines structures théologiques, on parlera effectivement de chute. La réponse, elle est grande, encore une fois, c'est une question qui demande des réponses plutôt style séminaire, où on prend des heures à discuter d'une chose. Le rôle, pourquoi ça échappe à l'homme? Ça échappe à la mémoire de l'homme. Autrement dit, c'est que, étant donné que juste comprendre quelque chose. Selon un certain point de vue humain, l'aboutissement créationnel n'est pas complété. C'est-à-dire que l'univers, la création, elle existe toujours et le retour de l'homme vers Dieu ou le retour de l'homme vers le centre source n'est pas accompli. Selon une vision extra-universelle, une vision plus supramentale, c'est accompli. Dans cette vision supramentale, on va découvrir que le temps est une quantité d'espace et que l'espace est une quantité de temps. Dans cette vision supramentale que les astrophysiciens maintenant commencent à toucher, on sait que le temps est une illusion, que le temps n'existe qu'en fonction de l'espace. Alors, Albert Einstein, le premier, va définir l'univers comme étant une seule dimension, l'espace-temps. Il ne peut y avoir de temps s'il n'y a pas d'espace. Il ne peut y avoir d'espace s'il n'y a pas de temps. Dans les théologies, on parlera d'un Dieu qui échappe à l'espace-temps. On parlera d'un Dieu éternel. Un Dieu non pas juste immortel, mais éternel, au-delà du temps. Qui n'a pas connu de commencement et qui ne connaîtra pas de fin. Donc, il n'existe pas. Dans le sens existence, existentielle, qui a un début et qui a une fin. Il y a différentes façons d'exister. Avoir un commencement, avoir une fin, ou ne jamais avoir eu de commencement, mais avoir une fin, ou avoir un commencement, mais ne jamais avoir de fin. La philosophie de l'homme s'amuse un peu là-dedans. Si on parle de l'être humain actuellement, tel qu'il est, conçu avec un ego, donc une âme, en éliminant la conscience, c'est une créature du temps. Il est ce qu'il a été. Alors, il sera les lignées familiales, il sera italien parce qu'il aura toujours été italien, alors il dira « je suis italien dans mon sang, dans mes cellules », et il vivra en italien, il sera juif, il restera juif, il sera chrétien, il sera tremblé, il sera un n'importe qui. Il peut vivre longtemps les traditions de sa famille. On a des peuples, lorsque l'on insulte un membre de la famille, toute la famille est insultée. Alors, ils sont effectivement très reliés par la mémoire. Ils sont ce qu'ils ont été. On a les individus qui sont des femmes ou des hommes, surtout parce qu'ils ont été dans des corps de femmes et d'hommes depuis qu'ils sont au monde. Alors, nous, les femmes, nous disons que, etc. Nous, les hommes, nous sommes, bon. Nécessairement, l'évolution de l'avenir, le rôle, la fonction de l'humanité ne peut faire autrement qu'échapper à l'ego, à l'astral, à la mémoire. Parce que pour la créature du temps, elle n'a pas vécu l'accomplissement. Donc, chez elle, ce n'est pas là. Et c'est pourquoi l'humain, souvent, vit du point de vue de l'ego, donc de son astral, de son corps astral, vit de médiocratie. C'est le médiocre au pouvoir. Peur de son patron, peur de sa femme, peur de ses enfants, peur de son mari, peur de demain, peur de la pluie, peur de prendre l'automobile, peur de l'apocalypse, peur de la mort, peur de tout. Et finalement, il devient un être rampant qui attend continuellement que quelque chose vienne le sauver. Mais qui, de puissant, s'intéresse à ce qui rampe? Et c'est justement ce qui rampe qui est la solution clé, le sauveur. Il est dans l'humain. Quand on parle de la conscience de l'homme, donc ce qui peut relever l'être humain, l'humain, je suis souvent dans son évolution, Il change de religion, il change de structure d'une façon horizontale. Alors il dit, j'ai évolué. Il n'a pas évolué, il a magasiné. Alors que l'humain qui change de façon verticale, lui, il évolue. Mais quand il change de façon verticale, il ne peut pas trouver tout ce qu'il a besoin sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là. Ça serait là, l'humain aurait déjà monté là-dessus. Il doit, ce que j'appelle moi, néotyper. On a des archétypes qui sont les vieilles formes, lui doit créer de nouvelles formes, que les autres suivront de toute façon. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils n'ont peut-être pas accès immédiatement à de l'énergie supramentale, donc à de l'information christique. On parle encore du grand monarque. Mais ils ont suffisamment d'intelligence et de conscience pour reconnaître l'intelligence. Au départ, ils vont la brimer, ils vont dire que c'est stupide, ils vont trouver que vous êtes, etc. Oui, au départ. Si vous parvenez à résister, par la suite, ils vous honoreront. Et là, ce sera le deuxième piège. Après vous avoir bafoué, ils essaieront peut-être de vous diviniser, de faire de vous un maître. Et là, on va vous donner un autre poste astral. Et si on parvient à échapper à ce deuxième piège, si on reste soi, tel qu'on était avant, tel qu'on est maintenant, eh bien là, on arrive à un contact très précis avec l'intelligence christique, avec votre esprit. Et là, le grand monarque, c'est ça. Vous en êtes une parcelle. L'humain n'a pas conscience de tout cela uniquement parce que la majorité de l'humain vit en fonction de son ego. Alors, il est jeune, il prépare sa vie d'adulte. Il est adulte, il prépare sa retraite. Il est retraité, il prépare sa mort. Bon, et dans la théologie, justement, on dit que quand on est dans le monde de la mort, on prépare sa naissance. C'est de la mémoire. Alors, ça veut dire nécessairement, l'exclusion de cela échappe à la conscience mémorielle. Même les bouddhistes ne le savent pas. Tout le monde a toujours parlé du cycle de la vie de la roue, qu'on devait parvenir à échapper. Le Nazaréen a ouvert le monde de la mort, il a ouvert les portes du ciel, pas pour qu'on entre dedans, on est toujours entré dedans, pour qu'on puisse en sortir. Encore faut-il les ouvrir. Alors ça échappe à l'homme uniquement parce que sa conscience est trop astralisée, trop mémorielle. Il ne regarde que le passé, et dans le passé, tout ce qu'il voit, c'est une chute. Il y a 3 ans, lors d'un voyage dans la vallée de la Matapédia, dans un petit village face au mont Chic-Choc, ma femme et moi avons vécu une semaine de fatigue extrême, d'ennui et d'incidents cocasses. À ce moment-là, nous ne savions rien à propos du mont Chic-Choc, mais cependant, nous trouvions l'atmosphère très inconfortable. Peut-il y avoir un rapport avec la tellurie de l'endroit? Si oui, explique. Bon. Un personnage québécois a dit que n'entre pas qui veut dans un temple rosicrucien. Effectivement, les personnes très peu sensibles, il n'y en a pas beaucoup dans la race aryenne, pourraient aller sur le mont Chic-Choc ou dans ces régions-là et ne pas trop sentir de choses. Si on regarde l'appellation de la montagne, Chic-Choc, qui veut surtout dire maléfique, en Mi'kmaq, si on regarde l'appellation que les Blancs ont donnée à la montagne par la suite, avec les tables de Moïse, avec la rivière du diable, avec les chutes du diable, les portes de l'enfer, etc., il y a donc quelque chose de particulier dans la région. Les personnes qui ont été là, effectivement, ont été perturbées par la tellurie. La montagne est à l'envers, on le sait. C'est une montagne, c'est un plateau. Et sur le plateau, c'est un fond marin. Et si on creuse dans le plateau pour aller voir ce qu'il y a dans le fond, on découvre qu'on s'approche du sommet d'une montagne, en termes géologiques, alors que toutes les montagnes qui sont autour sont à l'endroit, elles. Bon, alors c'est un phénomène particulier des montagnes Chic-Choc. Et il y a un climat arctique polaire en haut. C'est très particulier. L'énergie tellurique qui est dégagée est une énergie tellurique très particulière, donc. Et effectivement, les personnes qui ont une forme de sensibilité, mais qui n'ont pas encore un corps vital suffisamment ajusté, peuvent effectivement se vivre des choses particulières. Je connais certaines personnes qui y ont été, qui ont escaladé, qui ont monté le mont Chic-Choc et qui ont été dessus. Et les personnes que je connais bien qui y ont été sont des personnes qui vivent présentement d'une évolution 24 heures sur 24. Cela ne veut pas dire qu'ils sont constamment en train de se poser des questions, justement. Ça veut dire qu'ils ne s'en posent pas. Et ils sont capables donc de vivre certaines choses, ils vivent bien. Et ces personnes qui ont été sur la montagne Chic-Choc ont découvert un phénomène particulier à la montagne. C'est qu'après quelques heures de montage, on arrive en haut sur le plateau, on marche, on passe la journée sur le plateau, on peut redescendre et on n'a pas faim. Alors, ils amènent des gros lunchs, ils ne mangent presque pas, ils boivent presque pas, puis bon, finalement, ils n'ont pas faim. Alors qu'après cette journée, ils devraient être très, très, très affamés. Donc, la montagne, elle émet des choses comme ça. On parle de tellurie. La tellurie, c'est les énergies qui sont émises par le sol. Il y a des énergies qui sont rayonnantes, ionisantes. Donc, la majorité des sols sont radioactifs. Et il y a d'autres énergies qui sont détectables par certains matériels, ce soit des pendules ou d'autres choses, qui nous permettent de voir des points, des nœuds telluriques, où on ne doit justement pas bâtir de maison, parce qu'il y aura des mouvements, il y aura des problèmes qu'on appelle souvent bruyants, enfin, des problèmes reliés au poltergeist, c'est-à-dire où on aura l'impression d'avoir des esprits tapageurs. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire. Les anciens connaissaient ce genre de choses. On a aussi les sourciers qui vont se fier à l'énergie tellurique qui est déviée par les cours d'eau, qui est un grand conducteur. Alors, il s'est passé simplement que les personnes avaient des corps vitaux pas suffisamment énergisés et ils avaient donc des petits problèmes avec ce qui se passait là. Ils percevaient des choses. C'est influencé. On peut être influencé en bien ou en mal, mais on est influencé. Est-ce que l'atmosphère peut être aussi pour protéger des portes? Parce qu'il y a aussi le mont de la brèche qui est pas loin du mont Albert. Est-ce que ça peut être une brèche pour entrer dans des lieux interdits dont on avait déjà parlé? Oui, mais de toute façon, oui. Le mont Chic-Choc est un endroit où il y a eu énormément de mouvements intra- et extraterrestres. Il y a eu un territoire qui a été fermé pendant longtemps par les forces armées canadiennes et américaines. Il y a encore des aéroports là-bas. Il y a encore des vols d'avions de chasse. Vous ne pouvez pas trop aller visiter, vous dérangez les caribous, mais les avions de chasse peuvent passer à bas, à Rosemont, pour vérifier. C'est l'un des parcs national ou provincial, c'est là des mieux surveillés, réellement surveillés avec patrouille, etc., etc., etc., là. Patrouille à pied, patrouille hélico-portée, en tout cas, c'est un parc très surveillé. Et il y a toujours eu des mouvements là, et au niveau des légendes amérindiennes, effectivement, il y a eu souvent des forces du mal, c'est-à-dire des personnes qui arrivaient en volant, parce qu'à l'époque, quand on ne comprend pas, ben aujourd'hui, c'est encore un peu comme ça, le moment qu'on ne comprend pas, c'est nécessairement dangereux. Alors, oui, il y a des portes, et il y a en l'occurrence une porte qui peut permettre justement de voyager dans des lieux interdits, c'est-à-dire de voyager à travers le temps. Comme on en a eu une dans le triangle des Bermudes, maintenant, ça a émigré vers le Cap Hatteras. Comme on en a eu une près de la Porte du Soleil au Pérou, il y en a une au Mexique, il y en a comme ça un peu partout sur le plan planétaire. Ça dépend des temps, et ça dépend des mouvements qui sont faits là. Ça permet des individus de voyager à travers le temps. Il y a eu des expériences qui ont été faites par les forces américaines avec... un sous-marin, entre autres, et un porte-avions au niveau du triangle des Bermudes. Et ils ont encore des soldats qui sont hospitalisés régulièrement dans un centre à Los Angeles spécialisé pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont des brûlures où le corps physique devient transparent, devient rayonnant. Il disparaît, il réapparaît et ça brûle les individus. C'est le corps vital qui est tout déphasé. Et ils en ont plusieurs comme ça, parce qu'ils ont fait deux fois l'expérience avec des équipages volontaires qui maintenant regretteront pendant encore longtemps leur volontariat. Alors, au niveau du Mont Chic-Choc, il y a aussi des structures comme ça qui sont presque totalement épuisées. Ron Hubbard est fondateur de l'Église de Scientologie et célèbre auteur de science-fiction. D'où puise-t-il son inspiration dans l'écriture de ses romans, car sa vision du futur de l'humanité semble très sombre. Projette-t-il un des futurs possibles? Bon, ce personnage est un génie, en ce sens que il a eu la capacité d'amener des choses sur le plan planétaire que la majorité des humains ne pouvaient pas amener, et lui, il l'a fait comme le génie, il l'a fait sans travailler. Ce qui, à mon sens, n'est pas génial et naturel. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Il est effectivement l'auteur de la Scientologie, qui est une église. Finalement, il a trouvé intelligent d'appeler ça une église parce que l'église est exempte d'impôts, etc., etc., etc. C'est vraiment, c'est génial du point de vue de la forme. À 12 ans déjà, je voulais me faire une église. Comme ça, je pouvais dire, ma religion m'interdisait d'aller à la guerre, et c'était reconnu. Alors que si ta religion ne te le permet pas, bien, si on veut te monopoliser, oui, on y va, t'es mobilisé. Mais ça crée d'autres problèmes. La Dianétique est une phase extraordinairement avancée de l'évolution du mental chez l'humain. C'est une vision... Au-delà de l'intellect, c'est une vision mentale de la structure. Et dans la majorité de tout ce que la Dianétique va amener, elles ont raison. La Dianétique, elle a raison. L'humain est fondamentalement malade. Il a un ego. Il est donc fondamentalement malade. Il est pris avec des problèmes. Mais la religion antérieure à la Dianétique va dire l'humain est fondamentalement pécheur. Ils ont aussi raison. Étant donné que la Dianétique est le summum de la mentalisation, on sera capable avec la dialectique où on aura, par exemple, un auditeur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Les apôtres devaient, pour amener l'intelligence mentale, parler. Au départ, ils parlaient croche, après ça, ils parlaient bien. Je t'ai expliqué que quand on ouvre un robinet d'eau chaude, c'est l'eau froide qui sort. Et quand on a vidé l'eau froide, l'eau chaude finit par arriver progressivement. Et l'humain qui ne se fait pas confiance, qui n'ose pas, il commence à parler, ça a l'air idiot, il se tait. Alors si on met la main en dessous de l'eau chaude, c'est de l'eau froide qui sort, puis qu'on ferme le robinet en se disant, m'attendre que ça se réchauffe, il y aura toujours de l'eau froide qui va sortir. Mais on sera toujours tout proche de l'eau chaude. Il faut laisser le foie du tuyau se vider pour que l'eau chaude arrive. La dianétique, on va dire à l'humain, parle, je t'écoute. Et ça va changer la chose. Or, on sait qu'en psychanalyse, en psychiatrie, c'est un peu la même chose. On a toujours la vision du patient couché avec le psychologue en arrière qui dort pendant qu'il écoute. Mais là, on va raffiner la chose. Ils ont raison. Où il y a une problématique, c'est que l'information prise est une information supramentale, donc supérieure au mental, qui a permis à une grande quantité d'humains de passer de la phase de l'intellect à la phase du mental. L'intellect, c'est le mental naissant, assujetti à l'ego. Alors que dans la dianétique, le mental devient le premier précurseur de l'assujettisseur d'ego. Quand on regarde le PMC, le programme maître-contrôleur, on dit que le mental doit devenir le maître-contrôleur à bord. Dans la dianétique, la problématique, elle s'est posée lorsque le mental devenait un mental collectif, maître-contrôleur à bord des individus. On en est resté à l'idée de la théologie, une idée collective d'évolution. C'est extraordinaire pour une grande quantité d'humains, et ça devient très problématique pour une autre quantité d'humains. Donc, on ne peut pas dire que la dianétique, c'est mauvais. Si on compare, par exemple, la psychiatrie et la dianétique, on a probablement plus de chances de s'en sortir avec la dianétique. Les gens vont dire « Oui, mais ça coûte cher la psychiatrie aussi, sauf c'est couvert. » Alors, si je vois entre l'un et l'autre. Le psychiatre paye l'impôt, l'Église n'en paye pas. Mais on va dire la dianétique, à un moment donné, des personnes qui se sont sorties plus débiles qu'avant. Oui, mais en psychiatrie aussi, donc on ne peut pas faire de ça. C'est facile de regarder les points noirs. Moi, personnellement, je ne peux suggérer à une personne qui évolue d'aller faire un tour du côté de la dianétique. Elle ira ou elle n'ira pas. Pourquoi a-t-il une vision relativement noire? Pour la simple raison qu'il a une vision mentale, donc d'avenir possible. Le mental reste une structure de légifération, c'est une structure capable de rendre logique des choses, et le mental reste totalement, tant qu'il n'est pas relié au phénomène supramental, donc un phénomène christique, un phénomène espritique, monarchique, il reste associé aux mémoires expérientielles de l'ego. Autrement dit, le mental est un phénomène qui reste associé à votre expérience. De ce fait, l'expérience de l'humanité étant une expérience noire, il ne peut prévoir un avenir possible dans la mentalisation, un avenir possible qui sera blanc. Le mental ne peut créer cela. Donc, l'humain devrait avoir accès à une conscience supramentale pour être capable d'amener du neuf. Un œuf où il n'y a pas de guerre. Un œuf où il y a autre chose. Et non pas une vision spirituelle où, dans le style Jonathan Livingston, le goéland, où Richard Bach, qui est mormon, a à un moment donné eu un contact avec un esprit qui est intéressant, où il a pu amener quelque chose de neuf, où il a expliqué la problématique de l'humain pour finalement, dans la spiritualité, aller chercher quelque chose de néotypal. Il y a des personnes qui, de plus en plus, vont être capables d'écrire des choses sur l'avenir qui ne seront pas noires, comme l'a fait M. Hubbard, uniquement parce qu'ils seront en contact avec quelque chose de neuf qui ne provient pas de la mémoire planétaire. Alors lui, pourquoi ses projections d'avenir sont toujours un peu noires? Parce que, premièrement, ça peut supporter l'idée même de la dianétique, parce que dans ses romans, quand même, il va chercher des clients. Et il a raison. Mais il a tort. Alors, c'est pourquoi c'est noir, parce que ça s'arrête au niveau du mental, donc au niveau du summum de ce que l'humain peut faire. Au-delà, c'est de l'esprit, phénomène supramental, mental supérieur, et là, tout ce qu'on ne peut comprendre, bien, quand on va fouiller là-dedans, on le sait. Est-ce possible que quelqu'un qui a eu le coup de foudre s'aperçoive un an plus tard qu'il s'est trompé, ou si le coup de foudre ne ment jamais? Pensez-vous qu'on pourrait vibrer autant avec quelqu'un qui ne nous fait pas vibrer, ou si c'est impossible? Moi, j'ai connu des personnes qui avaient reçu un coup de foudre puis ils se sont ramassés à l'hôpital. Chanceux de pas être mort. Ah, ben, il y en a même un qui est dans le record de Guinness. Il y a eu 12 fois. Il était 12 fois frappé par la foudre. Puis à l'époque de la publication, il venait d'être frappé une autre fois. Puis il est encore en vie. Alors, c'est foudroyant comme succès. Alors, le coup de foudre, c'est qu'est-ce que c'est? Le coup de foudre, c'est lorsqu'on entre en vibration harmonique vitalement avec un individu, il peut nourrir notre corps vital. Il peut nourrir notre corps astral. Et normalement, ça s'arrête là. Il peut y avoir un coup de foudre encore plus puissant, on peut nourrir le corps mental. La personne est intelligente, esthétiquement jolie, ça nourrit le corps astral, et on se sent en harmonie immédiate avec, ça nourrit le corps vital. La problématique, et c'est un grand problème, un très grave problème qu'on n'a pas encore réussi à solutionner, c'est que l'être humain évolue. Alors, vu que l'être humain change, il vient à un moment donné où on a changé astralement, et l'autre ne nous nourrit plus. On a changé vitalement, elle ne nous nourrit plus. On a peut-être changé mentalement, et l'autre ne nourrit plus non plus. Et dans les couples, c'est un peu la même chose. Avant, on se mariait jusqu'à la mort, mais on ne vivait pas longtemps après le mariage. Bon, aujourd'hui, on se ramasse à 60 ans, 70 ans, 75 ans. On a des années à vivre. Alors, nécessairement, maintenant, l'humain change. Et ça devient beaucoup plus compliqué d'être capable de rester, à moins que les deux changent en même temps. Mais pas juste au niveau philosophique ou spirituel, on parle de, réellement. Alors, si parce qu'il y a des couples qui évoluent drôlement bien, formidablement génial. Mais si on ferait l'autopsie du couple de la façon traditionnelle, on penserait qu'ils ont plein de problèmes. Alors qu'ils n'en ont pas. Ils ne vivent pas comme les traditionnalistes. Alors, effectivement, le coup de foudre, est-ce que ça trompe? Non, ça ne trompe pas. Tant qu'on est en coup de foudre, c'est génial. J'avais un professeur, quand j'étais jeune, qui me disait, « Moi, quand j'ai connu ma femme, j'ai eu le coup de foudre. Maintenant, je ne l'ai plus, mais j'ai appris à l'aimer. » Oui, elle a appris à créer des parties de son ego qui maintenant a besoin de la personne. Donc, elle a appris à avoir besoin de l'autre. Alors qu'au départ, c'est le coup de foudre. Un coup de foudre, ça dit qu'instantanément, c'est parfait. Allez quelque part, puis ayez un coup de foudre avec un paysage, allez vous nourrir autant. Revenez 20 ans après, ce sera plus pareil. C'est évident, vous n'êtes plus pareil. Alors, le paysage n'est plus autant juste à vous. Donc, un coup de foudre, ce n'est pas mentor, ce n'est rien. C'est ce que nous, on va en faire en tant qu'interprétation. On s'alimente. Qu'est-ce que l'énergie du dragon? D'où provient-elle? Bon, l'énergie du dragon, c'est de l'énergie nucléaire. C'est de l'énergie atomique. C'est l'énergie du dragon. La première fois que le terme dragon a été amené, ça a été par un personnage qui s'appelait Merlin. Lui provenait du dragon, contrôlait le dragon et pouvait... Donc, ordonner au dragon. Merlin est un personnage qui a existé bien avant l'époque du Nazaréen. Il est revenu à l'époque d'Arthur, et on sait que la légende du roi Arthur est de plus en plus terre à terre, parce qu'avant on avait la table ronde qu'on peut visiter en Angleterre, et maintenant on a découvert la tombe du roi Arthur. Alors, peut-être que son nom va apparaître prochainement dans les dictionnaires des personnes importantes, parce que c'est pas là-dedans. La légende se concrétise. C'est ça, oui, la légende prend forme. Et c'est normal, parce qu'il y a énormément de chevaliers de la table ronde qui se réincarnent actuellement. D'ailleurs, la majorité du passé se réincarne actuellement. Il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui ont parlé du retour des Atlantes. Et oui. On a parlé de la réincarnation de la race allemande à travers le Québec, les Romains chez les Américains. On a parlé de plusieurs choses. On sait aussi que c'est normal, qu'il y a énormément de réincarnations de la race amérindienne. Ça a toujours été une race de guerre. Alors, nécessairement, il y a de plus en plus chez les Amérindiens de cette tendance aux guerriers, aux warriors, à revendiquer et à se battre, mais ça, on ne se bat toujours pour une cause. La cause, quelle que soit la cause, donne-moi-en une, puis on va y aller. Parce que les batailles, quand il n'y a plus de guerre de territoire, c'est à cause que c'est Dieu qui veut que, bon, on va convertir, hein? Il y a eu des guerres saintes en masse. Bon. Le dragon, c'est donc quelque chose qui me revient du passé aussi et qui est réapparu à l'époque d'Arthur. Pourquoi? Parce que le dragon, c'est de l'énergie tellurique et atomique. On la conçoit souvent sous forme de monstre. Et quand on étudie le langage employé par les chercheurs lors des travaux sur la bombe nucléaire, eux disaient « taquiner la queue du dragon ». Et lorsque la première bombe a sauté, on a dit qu'on venait de réveiller le dragon. C'est le soleil. C'est de l'énergie. Ça veut dire plusieurs choses. Lorsque Merlin employait le terme dragon, il parlait de quelque chose qui peut métamorphoser. Une métamorphose, c'est une mutation magique. Alors, on métamorphose un prince en grenouille. On embrasse la grenouille et on métamorphose une grenouille en bobo. Sur la bouche. Mais de temps en temps, on en fait une princesse ou un prince si on tombe sur la bonne grenouille. Alors, on appelle cela une métamorphose. C'est une mutation magique. Toi, tu as peut-être été une grenouille. Un crapaud. Tu m'embrasserais tout à l'heure, ouais. C'est un crapaud. Merlin parlait de mutation. On sait depuis longtemps que l'énergie nucléaire a cette caractéristique de changer le code de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN, et de muter la génétique. On sait, il y a un bonhomme en 1910 qui avait dit que probablement qu'il existerait des radiations faibles, positives. Et dernièrement, la science a ramené effectivement les preuves qu'on pouvait irradier certains animaux et solidifier leur génétique. Moi, j'ai déjà dit que s'il y avait une guerre nucléaire, ça l'aiderait l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant nouveau parce que ça permettrait justement d'asseoir leur génétique. Leur corps physique serait déjà suffisamment rayonnant et vibrant pour être capable de supporter une dose mineure de radioactivité. On ne parle pas en plein milieu de l'explosion d'une bombe thermonucléaire, mais on parle de retombées. Et présentement, la science de plus en plus pense qu'elle découvre de plus en plus qu'effectivement, il y a des territoires très radioactifs et les individus qui sont là sont capables de supporter une dose jusqu'à 10 fois plus forte que ce que normalement un humain pourrait supporter avant d'être malade. On pourrait se faire radiographier. Oui, sauf que cette radioactivité n'est pas la bonne. Donc, c'est le dragon que tu dois aller chercher. Il y a plusieurs éléments qui sont radioactifs ionisants, et il y a des éléments qui le sont, qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. Donc, quand on parle du dragon, on parle donc toujours de cette énergie qui aurait la capacité de métamorphoser, de muter rapidement un individu. Le dragon, c'est de l'énergie tellurique, c'est de l'énergie atomique, c'est de l'énergie solaire. C'est une énergie que normalement un grand sorcier, un mage peut employer, d'où l'idée de Merlin. D'où ça provient? Ça provient, là on pourrait expliquer la naissance même de l'univers pour en parler d'où ça provient, mais disons simplement que l'énergie qui est contenue à l'intérieur d'un corps physique, donc d'une molécule, de l'atome, l'énergie qui maintient les quarks en structure de façon à créer les protons, les neutrons et les électrons, entre autres, il y a beaucoup d'autres phénomènes évidemment, c'est l'énergie du dragon. Mais quand on parle de dragon, c'est qu'on personnifie une énergie. La science dira l'énergie nucléaire, l'ésotérisme parlera du dragon, parlera de la même chose. C'est ça le dragon. À quoi ça? Tu te rends compte d'une chose qui est absolument effarante. C'est que l'univers est constitué de neutrons, de protons et d'électrons. Et que les protons, un jour, il n'y en aura plus. Parce qu'ils sont tous en train de mourir présentement. Ils se désintègrent. Et il n'y a pas de matière sans protons. Tu as déjà dit qu'il y avait un électron? Oui, mais les protons, c'est important les protons. Mais est-ce que l'électron va s'en aller? Ah, les électrons, ça meurt, ça vient. Les protons, on n'en crée plus, puis ils meurent. Mais tous les protons de ton corps, un jour, ils vont disparaître. C'est pas grave, il m'en restait 144 853, ça fait que... Je sais pas si t'as compté combien que tu es chinois, mais il y en a pas mal de protons encore. Mais c'est ça qu'il y a, c'est que ça va disparaître en quelques milliards d'années. Mais c'est quand même un problème. Un jour, il n'y aura plus de matière. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'humain, souvent, ne le fait pas. Puis c'est un truc intéressant. C'est qu'on a la planète Terre qui est là, et puis dans quelques années, la Lune va venir s'écraser dessus. Quelques années, oui. Oui. Et puis si la Lune manque son coup, dans quelques années, si le Soleil va être suffisamment gros, va tout brûler. Alors, si on fouille au niveau théologique, Dieu nous a créés pour s'amuser. Mais un jour, il va falloir qu'il nous mette au paradis ou qu'il nous mette quelque part, parce que ça n'a pas grand temps. Il n'y aura plus grand-chose. Mais rendu là, on sera plus là. Est-ce que l'homme va disparaître ça, avant la planète? Au lieu de toujours se lever puis de chialer à cause qu'il pleut, ou etc., on devrait regarder le soleil et mesurer la distance qui nous sépare de lui. Dans quelques millions d'années, on va être tout proche. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rôle, il y a quelque chose d'autre que juste passer notre temps à se plaindre ou à sécréter, ou etc., ou à s'ennuyer. Et ça bouge quelque part. Nous, on a une conscience nombritique de quelques 60 années ou 70 années. Mais la cellule qui crée votre corps physique, qui vous anime, elle a habité à l'intérieur de Jules César quelque part à un moment donné. Hein? C'est la même vie. Vous êtes vieux, vous transmettez. Les enfants sont jeunes et neufs avec la peau de fesse de bébé. Ça grandit, ça met un autre bébé au monde. C'est la même cellule, c'est la même vie qui se promène de génération en génération. Et ça veut dire que nous sommes vivants depuis des milliers d'années, sinon des millions d'années déjà. Parce qu'à travers notre forme physique, on se rappelle de 70 ans, on n'a pas conscience. Mais c'est intéressant et important pour l'ego de regarder un peu plus à un moment donné pour se rendre compte que la Lune la flotte dans les airs là-bas tout seul. Ah, c'est la Lune! Ah, je sais que c'est la Lune! C'est pas ça que je vous dis! C'est la y a une Lune, là! Puis on est sur une Terre ronde, on prend des photographies faites par, amenées par la NASA, puis on est sur une boule aussi idiote que la Lune, qui tient tout seul, puis qui se promène. Ah oui, mais ça, c'est sûr! Eh oui, c'est sûr! Alors comment on fait pour continuer à chialer de la pluie ou du beau temps? On devrait s'enligner ailleurs. Sur mon fils me demandait l'autre fois, vu que lui, il ne croit pas que la Terre la tient tout seul, il dit on tombe tout en même temps. À quelle vitesse on tombe? Effectivement, la Lune tombe, le Soleil, la Terre aussi, donc on ne tient pas, on tombe, mais on tombe à quelle vitesse? Des genres de questions que tu n'aimes pas trop te faire poser. C'est parce qu'il écoute mes cassettes. Faut que je lui passe l'autre cassette et je réponds. Parce qu'effectivement, c'est la perpétuelle chute. Mais pour répondre à sa question, à quelle vitesse on tombe? Il n'y a pas de vitesse. Parce qu'il n'y a pas de point de repère? Exactement. OK, ça j'ai dit. À quoi sert le grand monarque? Ça, c'est une autre question de Frédéric Dizan. Le grand monarque, il va servir à remplacer tous les professeurs et tous les parents. Dis pas ça, il va avoir l'air. Mais c'est ça. Ça sert à ça. Le grand monarque, c'est nous autres. Donc, ça sert à quoi? Ça sert justement à venir accomplir ce que l'humain croit et espère et rêve depuis tellement longtemps. Le grand monarque, ça sert simplement à venir réassocier les choses qui ont été divisées. On parle de fusion présentement. Le grand monarque, ça sert à faire en sorte que les enfants de 10 ans vont cesser de chialer leurs parents, tout en étant heureux. Tout en étant heureux. Ils vont cesser de se chicaner, ils ne se blesseront plus, ils ne seront plus malades. Il n'y aura plus de chicane entre les adultes, il n'y aura même plus d'adultes, les adultes vont être capables de s'amuser. Et là, pour l'adulte, immédiatement, c'est voyons donc, c'est un rêve qu'on n'aura jamais. C'est l'adulte qui voit ça. Parce que l'adulte, c'est de la mémoire du passé. L'adulte, c'est de la mémoire de responsabilité. Et l'adulte ne peut pas croire quelque chose de neuf. On dit seulement l'enfant peut le croire. Ben c'est ça, vous devez rajeunir un peu. Parce que l'humain ne croit pas que ça se peut, la paix sur la planète Terre. Ça va être bien trop plate. On a eu une cette semaine chez nous, une réunion d'adultes, supposément adultes. Puis il était 15 ans à peu près. Et puis ça jouait avec les planches à roulettes des enfants. Ça faisait du vélo, se lançait des balles. On était en réunion. Exactement, parce que là, c'était des réunions d'enfants. Sûr que les voisins ont dû penser qu'on était des extraterrestres. Mais oui, parce que les individus, c'était des enfants qui ont de l'expérience d'adultes. Donc, lorsqu'ils vont faire un dépôt à la banque, ils font faire un dépôt à la banque avec l'expérience de l'adulte. Lorsqu'ils vont acheter une automobile, ils vont acheter une automobile avec l'expérience d'adulte. Mais lorsqu'ils vivent, ça abandonne l'adulte. Effectivement, je connais aussi ces gens-là parce que j'y étais. Et puis... Je voulais pas dire qui était sur la planche à roulettes. Mais c'est exactement ça. Et souvent, les gens pensent que quand on se conscientise ou qu'on évolue un peu trop, on devient... On devient pas curé. Il y a des curés qui sont extraordinaires, justement. Mais on a un stéréotype de la personne pognée, qui est toute sérieuse, qui fait que méditer, qui fait que penser, qui... Ah non. C'est justement l'inverse. Vous dites qu'on s'habitue à la souffrance et au chialage. Et ça dit que deux personnes peuvent s'engueuler tout le temps et ne même plus s'en apercevoir. S'apercevoir qu'elles devraient se séparer. Mais on reste ensemble. Ou si on sait, au fond, qu'on devrait se laisser, mais on ne veut pas le savoir. Mais c'est tout ça. Oui. Pourquoi y a-t-il tant de malheurs? Non, c'est parfait parce que la personne, elle pose la question et elle se répond. Mais c'est ça, l'intelligence. Moi, j'ai appris comment répondre aux questions des autres. Bon, et c'est la même chose. Je m'instruis. Mais c'est parfait. C'est exactement ça. Parce que dans le stéréotype traditionnel, on va dire, oh, non, elle est niaiseuse. Elle connaît la réponse et elle pose la question. Elle n'est pas niaiseuse. Elle écrit. Et puis là, elle répond, puis elle répond, puis elle répond, puis elle répond, puis elle répond. Mais c'est le langage. Les apôtres ont fait cela. Ils parlaient, ils s'instruisaient, et plus ils s'instruisaient, plus l'ego finissait par faire confiance au plan supramental à l'Esprit Saint. Plus ça y allait, ça devient exponentiel. Alors vous dites qu'on s'habitue à la souffrance et au chialage. Est-ce que deux personnes peuvent s'engueuler tout le temps et ne même plus s'apercevoir qu'elles devraient se séparer? Moi, ce que je pourrais dire, c'est observez-vous, peut-être que vous êtes ceux-là. Mais c'est évident. On vit avec nos enfants, puis on passe notre temps à avoir des relations qui sont communes. On vit avec nos employés ou avec nos patrons, ou encore avec notre femme ou notre mari. De temps en temps, c'est plaisant. C'est sûr, de temps en temps, que c'est plaisant. Mais pourquoi on ne se force pas à entretenir uniquement le plaisant? Qu'est-ce que c'est que cette ridicule habitude de chialer? Oui, mais il n'a pas fermé le tube de dentifrice. Ouais, c'est ça. Si les autres ne faisaient pas autant de maladresse, je chialerais pas. Eh oui, c'est comme les femmes battues, hein, c'est ça. Si les femmes écouteraient, il n'y aura pas tant de femmes battues. Ben, je comprends. Mais, facile d'avoir des raisons. Mais l'idée n'est pas là. C'est que t'es là à cause d'un mot du tube de porte-à-dents ou encore d'une assiette que Petit met à sa place, etc., puis on chiale. C'est correct d'instruire l'autre de certaines choses. Ou encore, comme je le faisais avec ma femme puis les enfants à un moment donné, c'est le temps qu'elles apprennent à laver leur linge. Ma fille ne veut pas, elle proteste royalement. Et puis, à un moment donné, on découvre que après beaucoup de chiolage, qu'il faut qu'elle le lave, que ma femme ne le lave plus, et patati patata, qu'on n'est pas du tout dans le problème. Que tout ce qu'on veut, tout ce que ma femme veut, c'est cesser de laver son linge et tout. Alors, la journée qu'elle comprend le principe, elle cesse de chioler. Et ma fille, elle, ben son linge, il s'empile, tout crotté. Puis quand le linge est sale, ben suffisamment sale qu'il tient le bout du sol d'un coin. Eh bien, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle ne peut pas manipuler ma femme en lui disant « Ouais, mais c'est toi la mère, elle devrait laver le linge. » Ma femme a dit « Écoute bien, moi, je te force pas à faire mes affaires. T'as pas à me forcer. » Bon. Alors qu'avant, ma femme disait « Là, faut que tu laves ton linge. » Elle s'immisçait dans la vie de ma fille, qui est une teflonne. Et ça, elle ne pouvait le supporter, ma fille. Mais la journée que ma femme s'immisce plus dans sa vie, il n'y a plus de chiolage dans la maison. Et puis, à un moment donné, ben, elle a fini par laver son linge. Et puis, c'était correct. Quand on chiale. Bon, mais Christy, je m'achète un tube de porte-à-dents à part. Oui, mais l'autre, il le prend, puis il y a ci, puis il y a ça. Ben, je le mets sous clé. Mais c'est pas une vie, ça. Pas le faire, chialons. Mais c'est tellement facile. Les enfants fouillaient toujours dans la chambre des parents parce qu'ils prennent leur linge. Ben, arrange-toi pour qu'ils puissent plus le faire. Achète-en plus. Ben, achète-en plus, ou bien simplement, arrange-toi pour qu'ils puissent plus rentrer. Oui, mais c'est pas une vie de famille. Mais non, mais continuez à chialer. Il y a tellement de façons faciles de régler, mais qui sortent de la vision du beau cadre familial où on espérerait que tout aille bien. Il y a des statistiques qui prouvent que deux chambres de bain dans une maison, ça rend l'atmosphère deux fois plus vivable. Oui, mais on devrait être capable de mettre une autre chambre de bain. Mais oui, ça règle le problème. Mais non, on veut souffrir pour arriver à régler le problème. Alors, effectivement, on s'habitue facilement au chiolage, une partie de notre ego qui en a besoin. Ma femme, qui de temps en temps chiole beaucoup, elle revient et elle me dit « Ouais, mais t'as dû t'ennuyer de moi, là? T'as passé comme ça deux semaines sans entendre chioler? » Elle dit ça en riant, parce que, bon, mais c'est, elle était comme ça, maintenant, c'est pas trop pire. Mais qu'est-ce que... On s'habitue énormément, les enfants finissent par s'habituer, alors à un moment donné, tout le monde chiale, ça ne porte plus. Criez toujours contre quelqu'un, il vous écoute plus, à un moment donné, t'es habitué. Puis nous, ben, on parle toujours en criant, t'es habitué. Tu t'appelles ta femme, lorsqu'elle a eu une extinction de voix. Elle vient pour plus rire les enfants, puis là, là, je peux que tu recommences ça. Ah, ils ont été terrorisés. Puis elle aussi, elle s'est rendue compte que, hey, si je pouvais toujours parler de moi. Maudit que c'est le fun dans la maison. Les enfants étaient toujours en train de la féliciter puis de l'admirer ces deux jours-là. Mais oui. Criait plus. Personne ne criait. Personne ne peut crier. Il y en a qui parlent pas fort. Alors, effectivement, on s'habitue rapidement à notre. Malheureusement, l'extinction de voix, ça ne dure pas longtemps. Mais non. Puis il y a beaucoup d'individus qui devraient ne plus être ensemble, qui sont encore ensemble. Il y en a d'autres qui devraient continuer à travailler. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend plus qu'on se libère, qu'on se sépare. Mais s'il n'y a pas de possibilité de créer ou de construire, là, il n'y a vraiment plus de raison de continuer. C'est comme entretenir une guerre uniquement parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire des chômeurs quand la guerre va être finie. On a mobilisé 300 000 soldats de plus, on arrête la guerre, 300 000 chômeurs. Continuer la guerre. Au moins, pendant ce temps-là, il y a le chômage. C'est un niveau respectable de statistiques. Certains disent que le grand monarque, partir du Québec, il doit manquer un mot, je recommence. Certains disent que le grand monarque partira du Québec et s'appellera Henri de la Croix. Il aura comme emblème le drapeau du Québec avec un cœur au centre d'un cinquième fleur de lys. Ce Henri de la Croix serait-il le grand monarque ou un grand monarque, comme celui de France ou l'Europe réunifiée? Quel sera son rôle par rapport à Maitreya? Bon, effectivement, il y a un ésotérisme européen adapté au plan québécois. Bien, l'ésotérisme qui fait partie de certaines sociétés secrètes planétaires. Il y en a certaines loges établies au Québec qui savent ésotériquement qu'effectivement la grande part de l'ère nouvelle va provenir du Québec, le KEBEK, le Québec ésotérique, qui a été camouflé, caché sous le Québec politique. Le drapeau du Québec est un drapeau extrêmement ésotérique. La fleur de lys aussi est un le fleur lui-même, le fleuron, on le retrouve sur les cartes qu'on appelle les tarots. On le retrouve dans énormément de symboles extrêmement puissamment ésotériques au niveau de certaines sociétés secrètes. Le bleu, la croix, et encore une fois, le symbole même du Québec ou de, qui est la Saint-Jean-Baptiste. Et je répète encore que Jean le Baptiste était un juif et que notre Jean le Baptiste est un arien, c'est un enfant blond aux yeux bleus. Et que le phénomène, le Jean le Baptiste est un précurseur, celui qui vient pour préparer le terrain du Christ. Et que le symbole national des Québécois, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Encore une fois, qui vient préparer les terrains à quelque chose. Notre Baptiste est un arien, donc un Allemand, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est un enfant blanc aux cheveux bouclés, blond aux yeux bleus. La race arienne est la cinquième race mère. C'est la race qui vient avant la sixième race mère, la race bleue. Et quand on parle de couleur, on parle simplement de structure neuronique, on ne parle pas de couleur cutanée. Et la Saint-Jean-Baptiste vient précurseur de la race nouvelle, donc de la race christique, c'est-à-dire de la race qui sera capable de recevoir le grand monarque. D'ailleurs, Adolf Hitler voulait conquérir l'Hyperborée, conquérir le Québec uniquement parce qu'il voulait établir là les bastions de la race aryenne, celle qui engendrerait l'ère nouvelle. C'était une guerre ésotérique, une guerre sainte. Et il y a plusieurs choses comme ça qui sont donc rattachables au Québec. Quand on parle d'Henri de la Croix, on parle surtout de la réincarnation au Québec de la majorité des monarques européens. Donc, on parle de la majorité de la réincarnation de beaucoup d'aristocratie européenne. Et il y a de plus en plus au Québec cette tendance à l'aristocratisation au niveau des affaires, comme au niveau du reste aussi. Moi, je parle souvent d'aristocratie, d'aristocratie planétaire. Il y a des choses nécessairement qui vont se développer au Québec. Le personnage lui-même est surtout une personnification astrale, donc psychologique, spirituelle, de cette mécanique réincarnationnelle de la majorité de grands monarques, surtout européens. Donc, on pourrait parler de Français, Britanniques, entre autres, et de quelques grands monarques aussi de d'autres régions de l'Europe. C'est beaucoup plus cela. Et lui partira avec le drapeau du Québec, symboliquement, il partira. C'est le Québec lui-même, c'est-à-dire c'est une vision du Québec qui va redescendre par la suite, couvrir le reste du monde planétaire. C'est sûr que pour le peuple québécois, lorsque je dis ceci, ça paraît extrêmement flyé, donc volant, parti, flottant, très haut, parce que le Québec est le peuple par excellence de la médiocratie. Alors, nécessairement, juste le fait de penser que peut-être il servira ou il aura un rôle à jouer et d'intéresser à quelque part, il n'y croit pas trop. C'est peut-être pour ça aussi que pour ça va qu'il va l'avoir. Et ça. Peut-on reconnaître l'existence du double de son vivant? Pas du vivant de l'ego. Ah, ben c'est ça. Mais oui, sauf qu'une personne qui sait qu'elle a un double, elle n'a pas nécessairement un double. Si oui, à quoi cela ressemble-t-il? Voilà. Dans cette façon-là, non. C'est ça. Parce que on peut revenir à une question qu'un jeune posait à son maître, pas un maître comme on le vit nous, mais un maître, une personne qui l'instruisait. Quand vais-je être aussi sage que toi? Et le maître répond, quand tu poseras plus ce genre de questions? Et c'est vrai. C'est un peu la même chose. On a un double éthérique. Quand une partie de notre problématique d'évolution est maintenant arrêtée. Quand l'ego se pose plus de questions, savoir s'il y a un double éthérique. Et à quoi ça ressemble un double éthérique? C'est un double de votre éther, c'est un double dans l'énergie vitale de votre conscience. Ça ressemble au corps physique. C'est extrêmement lumineux. Et disons qu'une personne a une partie de double éthérique de constituer. Si elle meurt physiquement, elle va dans le plan moronciel, un endroit où l'individu reste vivant. Et c'est de là qu'il revient si on réanime le corps physique. Et là, elle va voir des lumières extraordinaires venir du monde de la mort, des guides de lumière, des êtres de lumière merveilleux. Et si elle a un peu de dôme éthérique, elle va voir une lumière un milliard de fois plus puissante que la lumière des guides de lumière. Assure son dôme éthérique. C'était la prochaine question. À la mort, si le double... Je vais arrêter de les lire avant de les poser. À la mort, si le double est formé, comment savoir si c'est le vrai et non une entité qui se fait passer pour lui pour nous induire en erreur? Bien, c'est ça. Une personne qui a un double éthérique, mais qui n'a pas recommencé ou suffisamment accompli la fusion entre le double éthérique et son corps physique, si le corps physique meurt, elle ne peut pas se tromper. Et une personne pourrait dire, oui, mais comment je vais savoir? Tu vas savoir. Plus j'avance dans mon évolution, plus je conscientise que je dis merci ou s'il vous plaît machinalement, ou plutôt sans que tout ce qui me constitue soit d'accord avec le mot qui vient de sortir. Donc, elle découvre progressivement qu'elle est manipulée par des archétypes et que ce n'était pas elle qui contrôlait toute sa vie. Comment me désassujettir de cette mécanique? Si je réponds, elle va me dire merci. Alors? S'il vous plaît. OK. Non. C'est sûr que s'il vous plaît, c'est la plus grande des farces, parce que s'il vous plaît, ça veut dire que ça vous plaise ou non. Quand tu dis à quelqu'un, veux-tu te taire, s'il vous plaît? T'es-tu un enfant? S'il vous plaît, c'est un ordre. Bon. C'est ça la politesse. Je te l'ai demandé poliment, là. Ben, attends pas, je te donne une claque. Franchement. Ou encore, veux-tu, c'est la même chose. Veux-tu arrêter? Non. Ah, c'est pas ça que ça veut dire, veux-tu arrêter? Ça veut dire arrête. S'il vous plaît, c'est la même chose. Merci, etc. Bon, pour s'en désassujettir, tout ce que la personne a à faire, c'est de s'amuser un peu avec la vie, s'amuser un peu avec elle, prendre son mal en patience. Plus on est patient, plus ça va vite. Plus on est impatient, plus ça prend du temps. Plus on est patient, moins on a d'ego. C'est une question d'un égoïsation. Plus on est impatient, plus on a d'ego. Ça va être un peu plus long. Elle doit simplement observer, se rendre compte qu'effectivement, elle le dit, continuer à intelligencer le fait de ne pas le dire, autrement dit, continuer à trouver ça ridicule de le dire, comme ça, pour rien. Ce qui est intéressant, on va dans un restaurant, on va n'importe où, puis les deux personnes te disent merci mutuellement. Moi, ce que j'aime, c'est quand je reçois de quelqu'un, puis il me dit merci, je lui réponds de rien. Ben, je suis surpris. Ben, c'est ça. Ou une personne qui éternue, excuse, je t'excuse. Là, c'est... Ben oui, c'est ça, ben, c'est ça. Pshou! Excusez-moi. Je t'excuse. Ben là, ça arrête même, ça, oui. C'est pas bon. C'est ça, la médiocratie. Le médiocrisme. Être toujours à plat ventre. Ben, la personne, elle est en train de découvrir progressivement qu'elle est peut-être quelque chose, quelqu'un, qui a une colonne vertébrale capable de la tenir verticalement. Oh, elle est en train, progressivement, d'eux. Et là, subitement, elle se dit, oui, mais c'est ridicule, quoi. C'est ça, oui, c'est ridicule. Mais on s'en fait pas un problème. Il y en a assez. On doit s'amuser avec ça. Le grand monarque n'a-t-il pas prévu au pire moment de la déchéance? Ça, c'est une vision. Non. Le grand monarque va être visible pour les humains qui vont vivre l'apocalypse lorsqu'ils seront rendus au point culminant de l'écœurement de l'écœurement. Mais je parle souvent, moi, de l'apocalypse des autres. Le grand monarque va être là. Il est déjà en train d'atterrir à l'intérieur de certaines consciences. Le grand monarque ne va servir. Celui qui veut rien savoir, il va le voir en dernier. Les 144 000 devront-ils attendre l'arrivée du grand monarque afin de recevoir l'énergie? Mais non, les 144 000 sont le grand monarque. C'est pourquoi on dit grand monarque. Pas grand en hauteur. Non. Y a-t-il un destin cosmique après le destin planétaire? Si oui, expliquez la nature et mécanique du destin cosmique. Bon, encore une question similaire. Combien y a-t-il de Chinois en Chine? Vous avez deux minutes pour répondre à cette question. Et nommez-les. En une minute, le chiffre va changer. Et nommez-les. Ah ben là. Mais de toute façon, je l'ai déjà expliqué, moi je parle toutes les langues sauf le chinois. Hein? Quand on me dit parle le russe, ben là, je dis ben ça c'est du chinois pour moi, parce que c'est facile. Et puis, on devrait jamais avoir plus que 3 enfants si on n'aime pas les chinois, parce qu'il s'est prouvé que sur la planète Terre, un enfant sur 4 qui vient au monde est un chinois. Alors donc, faire attention pour avoir 4 enfants. Mais... Toi, j'en ai eu 3 pour une chinoise. Ben oui, c'est ça. Eh oui, ben ça, c'était la chinoise, mais toi, c'était la 3e qui est la chinoise, mais c'est ça. C'est les statistiques. Ah oui, ça fausse les statistiques, un peu bon. Alors, y a-t-il le destin cosmique après le destin planétaire? Oui et non. Le destin planétaire est inclus dans le destin cosmique. Quel est le rôle de la Terre? Pas uniquement d'être là, de faire fructifier des vers, vers la Terre. la planète, ainsi que le Soleil, ainsi que la galaxie, ainsi que l'univers, ainsi que les super-univers, parce que les univers, ils s'en créent régulièrement puis ils s'en meurent régulièrement. Ça a un rôle, ça a une fonction. Maintenant, encore là, ça échappe totalement à l'envergure que je veux donner aux conférences régulières du vendredi. La nature et la mécanique du destin cosmique. Je peux résumer comme ça, mais il manque tellement de mots. C'est beaucoup plus des questions qu'on va répondre au niveau du séminaire ou des conférences réservées aux séminaristes. Et pourquoi je dis réservé aux séminaristes et pourquoi je parle du séminaire, c'est que le séminaire, ça nous permet de nous donner un centre commun de référence. Et après ça, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des discussions d'envergure qui ne sont pas nécessairement des discussions où on atterrit la vérité telle qu'elle. Ça n'a rien à foutre de la vérité. Ça permet d'aller chercher de l'énergie, ça nous permet de monter, d'aller chercher un réchauffement particulier. Puisque la vérité, ça change au fur et à mesure de notre évolution, alors c'est pas un problème, c'est une marche. Mais pour cela, il faut un centre commun de référence, c'est important. Prenons l'exemple, toi tu fais des voyages astrales régulièrement, et les individus veulent que tu leur en parles. La meilleure chose, c'est de les amener à l'astral. Après, vous pourrez parler. Et là, vous allez parler pas juste en tripant là, d'une chose, ça va être plus précis. Donc, en résumé, que le rôle fondamental, la création est un accident. Elle est déjà terminée, parce que le rôle de l'homme, l'homme n'est pas accidentel, il est intentionnel. Et il y a des mécaniques relatives à la mémoire. Le rôle de l'homme, c'est de ramasser le temps. Donc, c'est pourquoi l'humain a de la mémoire. Et c'est pourquoi il y a une irréversibilité dans le passé. Quand l'humain est passé là, ça n'existe plus. Par contre, dans l'avenir, il y a beaucoup de futurs possibles. Le temps est quelque chose qui, même la mémoire, existe chez l'humain dans l'instantanéité. C'est pourquoi nous pouvons maintenant nous rappeler du passé, donc le passé est là. Et le rôle fondamental de l'humain, c'est de gérer la création. Donc, quand l'humain aura accompli son travail, la création n'aura jamais existé. Parce qu'il n'y aura plus de temps. Et c'est la nature, c'est le destin cosmique de l'humain. Sauf qu'il y a eu, il y a une conférence, peut-être que la personne peut se référer, qui est... une des premières, je ne sais plus quelle année, les mécaniques de l'effusion ou quelque chose comme ça. À chaque effusion, à chaque fragmentation de la conscience, d'une énergie, parce que dans la structure créationnelle, il n'y a pas d'énergie capable de supporter ce qui y vient, s'effuser là-dedans, il y aura création de ce qu'on appelle le plan bouddhique. Après le plan intentionnel, il y aura le plan supramental, le plan de l'intelligence active, il y aura finalement les plans... reliés des systèmes solaires, le plan du mental. Il y aura les plans reliés au système planétaire, les plans astraux, les plans vitaux, etc. Quand l'intelligence est descendue, elle s'est effusée. Effusée veut dire qu'elle éclate et elle se répartit de façon à ne pas anéantir ce dans quoi elle va s'effuser. Elle s'éclate. Donc, nécessairement, il y aura des frères et des sœurs en esprit dans le contexte planétaire où il y aura des personnes reliées au même faisceau. Le faisceau, une partie de l'intelligence, s'est effusée. Il a éclaté à travers un paquet d'humains. Tous les humains ne sont pas frères et sœurs en esprit dans le contexte planétaire. Ils le sont dans le contexte galactique. Et il y a donc des effusions qui vont engendrer des mécaniques extraterrestres qui sont reliées à nous. L'humain évolue, et subitement, pouf, il fait une rechute. Rendu à un certain point d'évolution, il y a une grosse dose d'énergie qui est transportée par ce qu'on appelle un canal séraphique dans un monde extraplanétaire, dans une autre galaxie, et ça va nourrir des individus là-bas. Et lui, il retombe, pouf. Et moi, j'ai déjà expliqué dans une conférence réservée aux séminaristes qu'il y a une mécanique qui doit être développée pour qu'on puisse augmenter notre potentiel énergétique et ne pas la donner. Pour pouvoir l'incrémenter, donc la conserver jusqu'à temps qu'on puisse parvenir à un rayonnement. Et là, on pourra, par transport séraphique, facilement voyager et aller régler des problèmes ailleurs. Souvent, l'ego de l'humain atteint le sauveur, sauf que l'ego de l'humain habite un corps physique dans lequel va venir le sauveur. C'est l'esprit, c'est l'homme, c'est la femme, c'est vous. Et... Nous ne devons pas attendre après. Nous sommes la solution. Mais c'est sûr que si on regarde astralement, mémoriellement, on se dit nous sommes la solution. Voyons donc, il chorit pas mal. On est juste la matière. Et pour de la matière, on est bon, maudit. Regardez-vous dans un miroir, écoutez-vous penser, puis écoutez-vous parler, vous allez voir, pour de la matière, c'est mauditement pas pire. On est parvenu à structurer de quoi de formidablement génial. Et on va dire, oui, mais on n'est pas capable de traverser les murs. On est capable de vivre dedans les murs. Et ce mur-là, c'est un corps physique. C'est pas génial, non, mais on peut faire mieux, on va faire mieux. Mais on est tellement habitué à cela, c'est comme je dis souvent, on est tellement habitué à voir un enfant grandir qu'on ne peut plus concevoir de voir un vieillard revenir enfant. Mais dans les deux cas, c'est impossible. Il y en a un en face duquel on est habitué. Puis je le dis encore, la science décrit le phénomène. Elle ne l'explique pas. On plante des graines, ça pousse, on marche, on vit. On peut décrire le phénomène. On ne l'explique pas. Ça ne se peut pas. Mais si ça se peut, le reste, tout se peut. On peut même passer à travers les murs, on appelle ça une porte. Eh oui, ou une fenêtre, c'est sûr. Nous avons un bébé naissant. Par l'intermédiaire d'un médium, des entités nous disent qu'elle sera protégée par eux et que cet enfant devra être dirigé vers la lumière. Je sens constamment des présences et certains personnages m'apparaissent durant la nuit. Qui sont-ils et que protègent-ils? Bon. Ils se protègent eux-mêmes. C'est des questions vraiment toujours un peu difficiles à répondre parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on va investir les parents, par exemple, d'une énergie spirituelle lumineuse extraordinairement belle qui va faire en sorte que souvent les parents sont très heureux de voir leur enfant, par exemple, qu'ils aiment parce qu'ils se réincarnent dedans l'enfant, donc c'est eux, ils aiment leur enfant. Ils sont prêts à donner leur vie pour leur enfant parce que vaut mieux préserver le jeune corps que les vieux corps. Et là, ils sont donc extrêmement souvent heureux de voir toute la mécanique, l'importance que vont attacher des guides de lumière, des maîtres, etc., à leur enfant. Mais la meilleure chose, c'est que l'enfant devrait devenir son seul maître et non pas être assujetti. Protéger, il faut faire attention. Vous savez que quand un roi protège quelqu'un dans le peuple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la mafia. Quand la mafia te protège, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bombes chez vous. Mais qui met les bombes? La mafia. Ça veut juste dire qu'ils n'iront pas te casser la gueule. Il te protège. Et souvent, c'est ce qui arrive au niveau du monde de la mort. On protège quelqu'un dans le but d'avoir un échange envers nous. Donc, on devrait normalement s'arranger pour désassujettir la maison, l'enfant et la famille de ces mécaniques des maîtres. Comment ça se fait? Ben là, évidemment, on n'a pas le temps d'y répondre. Là, j'en ai déjà parlé un petit peu sur certaines cassettes. On peut regarder les titres. Il y a des titres qui pourraient vous donner une idée. Sinon, pour m'en donner, reposer la question. Mais ce n'est pas mauvais présentement. Mais de toute façon, ce ne sera pas bon. Or, là-dessus, on passe une bonne semaine. On n'oublie pas qu'on peut faire de la planche à roulettes, mais avec l'équipement, surtout si on est un adulte, double équipement. Bonne fin de semaine.